Mon enfant de Berlin, Mon enfant de Berlin. Dan Wiesiemski. Adaptation, Victoria Cario. Est installé dans le quartier Napoléon, qui est l'ancienne caserne Hermann Göring. Cinquième et dernier épisode, Notre enfant de Berlin. Dans cette caserne qui abritait avant la défaite de l'armée allemande une de ses plus belles divisions. Hiver 1946. Claire, fille du célèbre écrivain François Mauriac, vit depuis plus d'un an à Berlin. Au nom de la Croix-Rouge, elle est chargée de rapatrier les prisonniers de guerre français. Dans la capitale ennemie détruite, Claire a rencontré Via, un officier français d'origine russe. Ils se sont mariés et Claire attend son premier enfant. Un enfant qui naîtra à Berlin. « 30 décembre 1946. Ma maman, bonne année. Cette lettre vous arrivera naturellement en retard, mais j'étais assez grippée ces jours-ci et je n'avais pas le courage de prendre la plume. J'espère que vous avez eu un bon Noël et que vous aurez un bon 1er janvier. Il y a aujourd'hui exactement un an que vous avez vu Via pour la première fois. J'arrivais à Paris et j'avais alors deux longs mois à passer avec vous. Je ne sais pas quand je viendrai vous voir. » Je ne sais même pas si Via prendra des vacances. Il a beaucoup de travail, ne veut pas se faire remplacer ni aider. Il joue un peu à l'indispensable. Au fond, s'il aime ça, tant pis pour lui. Il a mauvaise mine, perd ses cheveux et vieillit à vue d'œil. Malgré cela, il est assez adorable et on ne se dispute jamais. À part cette grippe, ma santé est bonne. En deux nuits, j'ai terriblement grossi. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une gravure de la grosse Bible de grand-mère qui était sur la table au fond du salon. Elle représentait Samson une main sur chaque colonne du temple et celui-ci s'écroulait sous sa pression. J'avais cette même impression. L'enfant poussait de toutes parts et tout craquait en moi. Je crois qu'il sera fort, car je suis dure et coriace, et il a un mal fou à faire sa place. Il est aussi d'une nervosité infernale. Enfin, il sera le digne fils de son père. Ma maman adorée, je vous embrasse de tout mon cœur en vous souhaitant ainsi qu'à papa une très, très bonne année. Votre petite Claire. Le 31 décembre 1946. Le temps d'une nuit, dans l'immeuble du 96 cours Fürstendamm, Américains et Russes avaient de nouveau fraternisé. On avait oublié les menaces de plus en plus réelles d'une prochaine guerre entre les deux grandes puissances. Sa Majesté a-t-elle bien dormi? Mon royaume pour un café. Oh, merci. Quelle fête, mon Dieu. Oh là là, quelle fête. Ça oui. Et dis donc Claire, on ne savait pas si musicienne. Ah, entre clarinette et la reine de l'accordéon. Et je me suis entraînée en cachette. En tous les cas, tu es prête pour le théâtre aux armées. Chez les Américains? Avec mon gros ventre? Ah ça non. J'avoue que je vais sortir ton gros ventre. Commencer sa journée en montant à cheval, quel bonheur! C'est invraisemblable, une forme pareille après tout ce que tu as vu cette nuit. Ah, viens là, viens là. Bonne année à tous! Bonne année! Bonne année! Merci. Claire, votre petit protégé, le grec, il a bien passé la nuit. On pense qu'il survivra. Oui. Mon petit grec sauvé et ses gosses qui ont oublié la guerre. Mon fils va naître dans un monde meilleur. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sera un garçon? Une fille, c'est bien aussi. Oh, ce sera un garçon. François naîtra en mai et... J'ai oublié de te dire. J'ai pu joindre mon père au téléphone hier. Il nous demande de respecter nos deux pays d'origine et de choisir des prénoms en conséquence. Je comprends pas. Cela veut dire... Pas de François si c'est un garçon, pas de France si c'est une fille. Mais des prénoms communs à la France et à la Russie, comme Léon, Alex, Pierre. Serge, Jean, Marie, Anne, Hélène, Nathalie, etc. On a vraiment que l'embarras du choix. Rentrons, je suis fatiguée. Berlin, 14 janvier. Chère maman, aujourd'hui, première ère de printemps, c'était le dégel dans toute sa beauté. L'eau dégoulinait de partout et l'air avait une odeur adorable. Le froid a été terrible, mais je ne m'en suis pas beaucoup aperçue parce que je ne suis sortie que très peu. Mais les Berlinois, ce qu'ils ont dû souffrir. Rosen rentre juste de Paris. Je n'ai pas encore pu parler sérieusement avec lui, mais je crois qu'il y a 99 chances sur 100 que nous soyons encore là en mai. Dans quelques jours, je saurai si tout peut se passer ici dans les meilleures conditions. Si oui, il naîtra à Berlin. Tant pis. À Paris, il me semble que je serai obligée de vous encombrer au moins pendant 2 mois, car je ne pourrai pas arriver la veille et repartir le lendemain. Et imaginez les ennuis pour vous et papa. Ce serait tellement plus simple pour vous de recevoir un coup de téléphone. Et puis ce n'est pas beau, une femme enceinte, et encore moins beau, une femme qui accouche. J'aimerais tellement mieux paraître devant vous, papa et mes frères, avec un enfant dans les bras et un ventre plat. Je rêve une chose, j'en suis presque malade, tellement j'en ai envie. Courir sur une plage, en plein été, sentir mon corps à moi, rien que mon corps, me jeter dans l'eau, me détendre, me fatiguer, me sentir moi. Maman, mon chéri, je vous quitte en vous embrassant de tout mon cœur. Tu écris à ta mère ? Oui. Je vais ajouter quelques mots. Si tu veux. Merci. Maman, crainte et chérie, vous devez me juger un bien vilain bonhomme, oublieux et ingrat. Il n'en est rien. Vous avez un gendre adorable, gentil, qui vous aime bien. Quoiqu'il ait encore un peu peur de vous, surtout à distance, mais le pauvre a tant à faire. C'est un homme orchestre, remplaçant à tour de rôle et souvent simultanément à peu près tous les membres de sa division, du planton au grand chef. Le malheureux sort de son bureau à 8h du soir, et il est rare qu'on ne le dérange pas encore 2 ou 3 fois après. Il faut qu'il voie son épouse chérie, qu'il promène les chiens, dîne, lise le journal pour ne pas entièrement perdre contact avec la vie extérieure. Le résultat est que les jours passent sans que je puisse rien faire dans le cadre de ma vie personnelle. Dans quelques jours, je pars 5 jours au Danemark, hélas, en mission archi-officielle, donc sans clair. Tristesse. Je vous embrasse avec un affectueux respect et vous redemande pardon pour ces longs silences. Ça ira ? Ça ira. De toutes les façons, maman est sous ton charme. Tiens, j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis d'avant la guerre est de passage à Berlin. Nous avons passé notre bac ensemble. Il te plaira beaucoup, il s'appelle Minko. Minko ? Tu connais Minko ? Ce séducteur de Minko ? Oui, on s'est connus à Paris, juste avant la guerre. Et on s'est retrouvés par le plus grand des hasards sur le front Est à la fin de 1944. Oh, j'avais pris des risques pour lui, invraisemblables. Ah oui ? Oui, il avait absolument besoin d'une ambulance et j'avais fait le trajet jusqu'à Paris sans autorisation officielle, simplement pour lui en trouver une. Et toi, comment connais-tu Minko ? Par l'école alsacienne. On était un petit groupe d'amis d'origine étrangère. Il y avait principalement moi, le russe, Minko, le polonais et Stéphane Essel, l'allemand. C'était formidable, l'école alsacienne. On n'était pas considérés comme des étrangers, mais comme des internationaux. Je n'ai plus jamais entendu parler de Stéphane. Il y a toutes les raisons d'être inquiet, hélas. J'espère que Minko sait ce qu'il est devenu. De nous trois, Stéphane Essel est le plus doué pour le bonheur, le plus... Non, oui, j'y vais. Le courrier. On a oublié de donner le courrier. Ta mère attendra. Mesdames, messieurs, voici l'œuf à la coque. Une émission scientifique du professeur Pierre Cour et du docteur Francis Blanche avec leur assistante Edith Fontaine. Alors finalement, ce sera Pierre ? Oui, Pierre Petrouchka, comme dans Guerre et Paix. C'est un des romans préférés de mon père. Mon Dieu, le froid ne s'arrêtera jamais dans ce pays. Mais quel froid ! Et regarde les Berlinois, ils ont l'air tristes. Ils sont tous si maigres. On a l'impression que rien ne change pour eux. Ils sont toujours dans l'année zéro. La Stunde Null, comme dit Hilde. Ah, voilà la clinique. Et Hilde. Elle me fait froid dans le dos, notre traductrice. Pas toi ? Chut, elle va t'entendre. Tous les papiers sont prêts. Vous n'aurez qu'à me dicter les réponses, puis les signer. Ensuite, il faudra revenir avec l'argent. D'accord. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ? C'est votre uniforme de la Croix-Rouge. Il n'y a aucune étrangère ici. Aucune. Pourquoi avez-vous choisi d'accoucher dans une clinique allemande ? Parce qu'on m'a dit que les accoucheurs américains sont épouvantables. Je ne veux pas me faire charcuter. Et que savez-vous de votre accoucheur allemand ? Oh, que c'est le meilleur. Que toutes les Allemandes qui sont en mesure de choisir le réclament. Et quoi d'autre ? Vous ne vous êtes pas demandé ce qu'il faisait pendant la guerre ? Où il était ? Son grade dans l'armée ? Qu'insinuez-vous ? Je n'insinue rien. C'est un excellent accoucheur. Votre enfant naîtra dans les meilleures conditions. Nous autres, les vaincus, avons perdu l'habitude que les vainqueurs fassent appel à nos talents. C'est tout. Asseoir au moins quelques minutes. À mon tour de travailler. Je ne fais rien de toute la journée, surtout depuis que vous êtes là. Non. Tu ne dois pas être debout, Dushka. Tu vas te fatiguer. Vous aurez besoin que je vous aide à faire votre valise ? Dans ton état ? Mais je vais bien. Et si Petrouchka était moins agité, j'irais très bien. Voilà du thé. Merci. Et ça, ça aussi, c'est pour toi. Non, n'enlevez pas vos boucles d'oreilles pour me les donner. Non, vous m'avez déjà assez couvert de cadeaux. Gardez-les, elles vous vont si bien. J'ai obtenu une permission pour aller à Paris. Je prends le même train que vous, princesse Sophie. On va faire un voyage merveilleux. Partout, c'est le printemps. Mise tous ses fiancés. Oh, oui. La fenêtre grande ouverte laisse passer un air tiède dans lequel Claire reconnaît les effluves du printemps. La ville en ruine commencerait-elle à retrouver d'autres odeurs que celles de la guerre et de la mort ? La renaissance de Berlin lui importe au plus haut point. C'est sa ville d'adoption, ce sera celle de son fils. Entrez. C'est moi. Tu peux jeter un œil à ma lettre pour ta mère ? Oui. Par Claire, je partage votre vie, vos joies et vos soucis. Par elle, vous savez ce qui se passe ici, nos occupations, nos projets. Par moi, vous ne pourrez apprendre que ce que Claire ne vous dit pas. C'est-à-dire qu'elle est plus qu'adorable et plus qu'adorée avec chaque jour qui passe. J'en oublie souvent de lui raconter certaines choses sur mon travail ou sur mes occupations de la journée, tant je la sens présente à mes côtés à tout moment. Elle n'est jamais absente de ma vie. J'ai l'impression qu'elle est une partie de moi, et pourtant je découvre constamment quelque chose de nouveau qui me fait l'aimer plus. Ma mère est partie. Je ne l'aurais vue que le soir, et encore n'était-ce souvent qu'au milieu d'autres gens, car notre maison a été un grand centre de réunion. Claire, par contre, a passé avec elle, presque toujours en tête-à-tête, le plus clair de ses journées. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle a été à toute occasion et dans tous les domaines adorablement gentille. Ma mère est repartie en excellente santé physique et morale, heureuse, reposée, apaisée, ravie de son séjour. Toutes choses qui sont uniquement dues à Claire. Ça ne va pas ? Je suis ennuyeux ? Non. Quoi ? Viens tout de même. quand tu écris à maman « Vicuni est toujours égal à lui-même », c'est-à-dire le chien parfait pour Claire et moi, ou totalement imbécile pour le reste de l'humanité. Il suit Claire pas à pas et partout et l'adore. Comment pourrait-on faire autrement? Voici donc à peu près les nouvelles de la famille. Et alors? Et alors, c'est invraisemblable que tu ne puisses pas comprendre que maman se fiche comme d'une guigne de Vicuni. L'accouchement se passe mal. Claire, à demi consciente, souffre beaucoup. Elle est épuisée. Quand on lui dit que l'enfant est sauvé, que c'est une petite fille en parfaite santé, elle refuse de la voir. Tout ça pour ça. Oui. C'est nous, Claire. Félicitations, ta fille est magnifique, un véritable trésor. Tu sais Claire, tout le monde a hâte de venir t'embrasser au 96. Demain, après-demain ou plus tard, j'irai présenter ma fille à tous nos amis. Regarde-la de près, Olga. Un vrai moujik. Claire, tu veux la prendre un peu? Non, je suis trop fatiguée. Je veux la prendre moi. Oh, quelle est jolie. Prête-la moi. Non, c'est mon enfant de Berlin. J'ai téléphoné à tes parents, puis aux miens. Ils te félicitent tous, ils pensent à toi. Et on a reçu un paquet de télégrammes aussi. Rendez-le-moi, mon enfant de Berlin. Claire caresse la peau si douce, si tendre. Vérifie qu'elle a bien deux mains. Deux pieds. C'est invraisemblable. Demeure interdite devant les sourires que l'enfant lui adresse. Elle la sent si sûre d'être à la bonne place qu'une vague d'amour et de gratitude l'envahit. Mon enfant de Berlin. Mon Dieu, Via, tu m'avais jamais dit qu'il y avait des roues dans ta famille. Le bébé, c'était toi, Anne. Tes parents étaient les premiers à s'aimer, les premiers à se marier et toi, la première à naître. C'est pourquoi tu as resté, au-delà de toutes ces années, notre premier enfant. Notre enfant de Berlin. Mes fils sont nés ailleurs, ceux de Mistou aussi, et ton frère à Rome, si je me souviens bien. Olga savoure le récit qu'elle vient de me faire. Il lui a permis de partir loin, très loin dans le passé, à la recherche de souvenirs heureux. Ce sont les mêmes que ceux de Claire, ma mère, Via, mon père, Roland, Plumette, Mistou et Léon de Rosen. Tous pensent avoir vécu à Berlin les plus belles années de leur vie, les plus intenses. Nous avions eu la chance d'avoir survécu. Cette mission de recherche des personnes disparues s'est improvisée dans l'urgence. Nous ne nous connaissions pas, nous venions de milieux très différents, mais nous avions ça en commun, être en vie. Et puis il y avait la fantastique énergie de Léon et de Via, le courage des filles de la Croix-Rouge, et puis il y a eu cet amour entre tes parents. Un amour qui nous éblouissait, qui réjaillissait sur nous et qui nous soudait tous ensemble. Quelque chose qui nous rendait incroyablement heureux et solidaires de leur bonheur, de leur mariage, de ta naissance, mon enfant de Berlin. Après Berlin, la vie ne fut plus jamais comme avant. Elle ne nous a pas distribué que des cadeaux, comme tu sais. Tes parents qui se sont tant aimés ont buté plus tard sur tout ce qui les différenciait. C'était vraiment le jour et la nuit. Il faut que tu les imagines. Ton père solaire, débordant d'énergie, extraverti, toujours prêt à faire la fête. Ta mère, par moments, tellement sombre, pas pressée d'aller au-devant des autres et migraineuse. Oh, si migraineuse. En voyant Claire et Via au moment de leur mariage, je me souviens avoir pensé une vitalité comme celle de Via et les migraines et les crises de foi de Claire, il ne peut pas la comprendre. Un jour, il lui reprochera de s'enfermer dans le noir des journées entières. Oui, je me souviens avoir pensé ça. Pour bien comprendre, il faut que tu fasses un effort, que tu imagines d'où venaient tes grands-parents russes. Le jour du mariage de Claire et de Via, il y avait le groupe si élégant des Français et le groupe des Russes, qui les témoins. Cela sortait de 4 années de guerre particulièrement dures. Ils étaient devenus pauvres, ils ne savaient pas tous comment s'évêtir, comment s'intégrer. Mais pas l'exquise princesse Sophie, bien sûr. C'était typique de cette époque. Si typique. Si je te raconte ça, c'est pour que tu comprennes ta mère si française, si peu internationale, si peu cosmopolite, et ton père qui était l'inverse. Mais qui se soit aimé. Oui. Durant toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable. Tu le sais sûrement, mais tu as failli mourir à ta naissance. Sans l'intervention de l'accoucheur allemand, tu ne serais pas là à m'écouter. Il t'a sauvé la vie. Quelques semaines plus tard, il a été arrêté, jugé et pendu. C'était un criminel de guerre. Quand nous l'avons appris, cela ne nous a pas trop impressionnés. Nous n'avions pas encore mesuré l'horreur absolue de l'extermination des Juifs. Nous ne savions pas tout. Nous ne voulions pas encore tout savoir, je ne me souviens pas très bien. En 1945, 1946, et même en mai 1947 à Berlin, on avait besoin de nous. Il y avait encore tant de personnes disparues à retrouver, à sauver, à rendre à leur famille. Mais... Olga commence à donner quelques signes de fatigue. Un coup d'œil à ma montre m'indique qu'il est temps de prendre congé. Dans la nuit froide de l'hiver, je marche un peu au hasard, rue d'Aru, rue de la Neva, autour de la cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevski. Sur le pas de la porte, Olga, quand je l'ai quittée, m'a retenue un instant comme si elle avait encore quelque chose à me dire sur ce qui a été et qui n'est plus, sur l'oubli. Puis elle a haussé les épaules. C'était « Mon enfant de Berlin » d'Anne Wiesemski. Adaptation Victoria Cario. 5e et dernier épisode « Notre enfant de Berlin » avec Aurélia Petit, Claire, Julien Honoré, Via, Pauline Ziadé, Martine, Céline Milia Baumgartner, Mistou, Mélanie Bestel, Roland, Agathe Le Bourdonnec, Plumette, Joachim Salinger, Léon de Rosen, Larissa Cholomova, Olga, Andrea Schaeffer, Hilde, Yana Maizel, Sophie Wiesemski, Francine Berger, Olga Agé, et Anne-Claude Romary, la narratrice. Et les voix de Madeleine, Aurélien et Maxence Ziadé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Renaud Fleuzin-Rosic, Marie le peintre, Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Laurence Courtois. Mon enfant de Berlin d'Anne Wiesemski est publié aux éditions Gallimard.